La comédie des jouets, écrit par Camille Lemonnier, lu par Armen pour audiocité.net. À toi, enfant oiseau, mon pâle et doux friquet, un instant blotti dans mes ramures et sitôt envolé. Ces contes, écrits pour toi, et que tu aurais lu si ton aile avait pu pousser, je les mets sur ta tombe, comme un joujou dont jamais ne s'amusera ta chère ombre, là-bas. La chasse de minuit. Chaque nuit, un drame plein de mystère se joue dans la grande boîte où il y a un cerf, des chiens, un vieil ermite à barbe blanche, des valets et un petit chasseur noir. Quand approche minuit, les arbres viennent d'eux-mêmes se ranger dans le bois. La hutte de l'ermite se met debout et l'on entend le son du cor très doucement. C'est le signal. Aussitôt la jolie maison en planchette de caisse à cigares, qui a six petites fenêtres toujours closes à l'étage, sous un toit projeté en auvent, se remplit d'une rumeur singulière qui grandit, finit par dominer tous les autres bruits de la boîte. Le petit chasseur noir s'éveille. Ses valets, autour de lui, courant, lui passent son juste corps rouge à boutons d'or. Et il se chausse de grandes bottes luisantes auxquelles sont accrochés des éperons brillants comme des soleils. Il prend ensuite son couteau de chasse, boucle sa ceinture, et tandis qu'il descend, ses pas font retentir l'escalier. Il n'a rien dit et, comme lui, ses valets sont demeurés muets. Mais tout le monde dans la maison semble obéir à une volonté venue d'en haut. La porte roule sur ses gonds, il descend trois marches et, dans la nuit, voit son grand cheval couleur d'ébène qu'un piqueur tient par la bride. Plus loin, un valet de meute jusqu'au buste disparaît parmi des limiers géants, roux et léopardés. Et le cheval, les limiers, les valets, le petit chasseur, face à face, sont immobiles. Le son du cor s'est étouffé dans les lointains. Un grand silence pèse sur les hommes et les choses, et chacun attend. On n'attendra pas longtemps. 12 fois l'horloge de la forêt noire crie « Coucou !» et à la dernière fois, une petite porte s'ouvre au-dessus du cadran avec un grincement. Puis le sombre oiseau apparaît. Alors, le petit chasseur noir saute en selle, les trois valets sonnent du cor à pleine bouche, et les énormes limiers, soudainement déchaînés, font trembler le sol en aboyant. Tout cela s'est fait en un instant, et la chasse commence. D'épaisses ténèbres enveloppent la terre, pas la moindre étoile ne pique le ciel. Mais les prunelles des chevaux flamboient et les limiers semblent porter des lampes dans leurs rouges orbites. Bientôt la maison, aux 6 petites fenêtres closes, n'est plus qu'un rêve dans la nuit. Et de plus en plus, la chasse s'enfonce par la forêt. Celle-ci n'a que 6 arbres, tous peints en vert et s'espaçant avec des frisures pour feuillage. Pourtant, elle est immense et recule jusqu'à l'horizon. À peine serait-il possible d'en faire le tour en galopant du crépuscule à l'aube. Et elle est pleine de périls. 3 rochers qui imitent la pierre naturelle avec des taches de rouille pour indiquer la mousse, tous 3 si déchiquetés qu'ils ont l'air d'être là depuis plus de 100 ans, encombrent les passages. Et les chemins sont hérissés d'une végétation touffue pour laquelle l'artiste a prodigué les copeaux. Pour mieux rendre la nature, une petite neige blanchit le paysage, pareil à du sucre en poudre, et on a froid comme devant des vitres étamées par le givre. Mais Ni les cavaliers, ni les limiers ne songent à ces choses. Et ils vont par l'hiver et la nuit du train dont tiraient des âmes sans corps. Toujours plus avant, ils galopent, franchissant les rochers, ombres mêlées à des ombres, et l'espace décroît sous leurs enjambées infatigables. Des bêtes farouches sortent alors, on ne sait d'où, et se mettent à rôder sous les arbres. C'est un renard à poils rouges d'abord, puis un loup à poils noirs, enfin une biche et ses fans. Et tout à coup un cerf, dont les ramures seraient un très beau râtelier à pipe, bondit, véloce comme l'éclair. On sent immédiatement que le grand cerf doit décider de la chasse, et curieusement les arbres se penchent par-dessus la fuite anxieuse du renard, du loup, de la biche et des fans. Seul, le cerf a l'air de mépriser les gens et les chiens. Et un grand carnage commence. Le cheval couleur d'ébène du petit chasseur tourbillonne partout à la fois, et derrière lui, les chevaux des valets, l'un couleur pistache et l'autre couleur safran, volent comme le vent. Les limiers font un vacarme d'enfer, et sans cesse le cor retentit. La forêt est pleine d'horreur. Rien ne peut dire cette poursuite acharnée. On croirait qu'un typhon a été déchaîné dans la boîte. Et successivement, le petit chasseur noir tue le loup, le renard, la biche et les fans. Son couteau n'a pas de sang, par la raison que toutes ces méchantes bêtes sont en bois, et le couteau lui-même est en bois, avec une peinture claire pour simuler l'acier, ce qui en fait une arme terrible. Chaque fois qu'il frappe, le feu qui brille dans l'œil des chevaux l'allume rapide, tellement que la nuit en est illuminée. Et du fond de sa hutte, le vieil ermite se signe en songeant aux éclairs. 5 fois déjà le coucou a sonné l'heure, et le cerf n'est pas encore pris. On aperçoit toujours sa longue silhouette, et il court d'une telle vitesse qu'aucun cheval ne peut l'atteindre. Jamais cerf n'eut des yeux plus humains. L'artiste les a fait de 2 perles, brillantes comme des larmes. Et il dresse si haut sa tête qu'on s'attend à tout bout de champ à lui voir emporter la forêt à la pointe de ses cornes. Il y a toujours entre le petit chasseur noir et lui la même distance, et ses bonds sont larges à franchir d'une fois les plus larges abîmes. Comme une ronde, la chasse tournoie dans le cercle des arbres, et pris de vertige, ceux-ci entrent à leur tour dans la ronde, qui finit par entraîner l'ermite lui-même et sa hutte. Puis, tout à coup, une lueur imperceptible glisse à travers les joints de la boîte. La nuit pâlit, et dans la blancheur qui croît, les chevaux, les chasseurs, la meute s'effacent lent, lent. C'est l'aube. Là-bas, sur le rayon des coqs, un cocorico sonore a sonné la fanfare du jour. Alors l'ermite apparaît en froc, les pieds nus et les mains jointes, portant comme un tablier sa barbe blanche jusqu'à ses genoux, et il dit « Chevalier, retourne d'où tu viens, le moment n'est pas venu encore. » Immobile, le grand cerf fait face à l'ermite, et à travers ses bois, le soleil se lève pareil à un ostensoir. Le petit chasseur noir ébauche un geste désespéré, lentement regagne la maison dont les fenêtres s'éclairent, et de nouveau le silence règne dans l'escalier. Mais à minuit, la chasse recommence, et il en est ainsi de toutes les nuits que Dieu a faites. À peine le coucou a-t-il sonné les 12 coups qu'elle repart bas la forêt, et comme la veille, comme toutes les autres veilles, les mêmes bêtes farouches se remettent à rôder dans les ténèbres. C'est le renard au poil roux d'abord, le loup au poil noir, la biche et ses fans, et ensuite le grand cerf bondit. Régulièrement, le petit chasseur abat les faons, la biche, le renard et le loup, et non moins régulièrement, au moment où il va enfin atteindre le cerf, le jour point derrière la hutte de l'ermite. Et le petit chasseur noir regagne sa demeure après avoir fait son geste désespéré, toujours le même. Cependant, ces limiers ont été choisis parmi les meilleurs. Mais le cerf, plus rapide, se dérobe à leur poursuite, et chaque nuit l'ermite à barbe blanche croise les mains sur sa poitrine et répète « Beau cavalier, retourne d'où tu viens, le moment n'est pas venu encore. » Or, après bien du temps, comme les 12 coups de l'heure sonnent une nuit, le petit chasseur noir se remet en chasse, suivi de sa meute et de ses valets. Et cette nuit-là, justement, le Seigneur Jésus-Christ, ayant séjourné 3 jours dans le tombeau, ressuscitait. Toutes les crèches étaient en fête dans la boutique du marchand. Les bœufs mugissaient en tournant leur tête de patriarche vers le petit enfant de cire, enguirlandé de banderoles. Et les 3 mages, gravement inclinés sous leur turban, disaient « Alléluia !» pendant que les bougies roses et vertes des ifs chargées de présents flambaient. Les coqs chantaient, les ânes braillaient, les petits lapins blancs battaient leurs tambourins, et l'un après l'autre, comme les orgues des églises, ronflèrent les harmonicas. Polichinelle, en profond égoïste, seul méditait dans un coin, ironique sur la folie des sacrifices. Prise de dévotion, les poupées ouvrirent leurs livres de messe. Et voici que subitement le petit chasseur noir entend grelotter une cloche dans la nuit. Et au loin, sous les arbres de la forêt, il aperçoit une lumière toute petite et qui grandit. Il a tué le loup, le renard, la biche et ses fans. Mais à mesure ensuite, ils sont venus se ranger à la file derrière son cheval couleur d'ébène, et tous ensemble, ils vont par les noires allées. Puis doucement, le ciel s'étoile, un vent très léger souffle dans les feuilles, le petit chasseur noir erre longtemps, et enfin se dresse devant lui la hutte de l'ermite illuminée comme une chapelle. Le porche est grand ouvert. Au fond, comme une aurore, flamboie une verrière. Il entre, suivi du renard, de la biche et de ses fans. La cloche ne cesse pas de tinter. Et aussitôt, il est entouré d'une large lumière. Devant l'autel, l'ermite, debout, croise ses bras. Et près de lui, le grand cerf, une dalmatique sur la croupe, entonne les antiennes. Déjà, transporté de fureur, le petit chasseur tire son coutelas. Il va massacrer le cerf quand l'ermite l'arrête d'un geste. « Beau cavalier, le moment est venu. Un sort contraire t'a fait chercher longtemps par monts et par veaux le rêve de ta vie. Et le noble cerf, mon compagnon, n'était pas autre chose que cette image de ton rêve qui toujours te décevait. Mais voici que, pour te récompenser de ta longue espérance, le vrai bonheur s'offre à toi. » Au même instant, le couvercle de la boîte s'ouvrit et le beau petit chasseur noir vit, dans la clarté du jour, une fillette rose qui lui souriait.